Alors, maintenant, il nous manque la forme pour donner un ordre à plusieurs personnes qu'on tutoie. Donc, à vosotros au lieu de ustedes. Alors, ce n'est pas compliqué. Pour cela, on va revenir à la forme de l'infinitif. Bon, comment dites-vous attendre? Esperar. Oui, c'est ça, esperar. Eh bien, pour dire attendez, à vosotros ou vosotras, c'est très facile. Il suffit de remplacer le R final de esperar par un D. Donc, attendez, ça sera esperad. C'est ça, esperad, avec un D final. Et c'est la même chose pour le verbe en er ou ir. Donc, manger se dira comed. Comed. Et pour dire, dites-le en espagnol. Vous vous adressez donc à vosotros. Decidlo en espagnol. D'accord. Decidlo en espagnol. Donc ça, c'est pour donner un ordre affirmatif à vosotros ou vosotras. Il suffit de partir du verbe, de l'infinitif, lui enlever son R final et le remplacer par un D. Esperad, comed, decid, etc. C'est d'ailleurs valable aussi pour le verbe gogo. Alors, comment direz-vous à vosotros sortez? Salgais? Quel est le verbe? Salir. Salir, hein? Très bien. Alors, il vous suffit de partir de ce verbe, vous lui enlevez son R et le remplacer par un D. Salid. C'est ça, salid. Rien de particulier à signaler. Pour une fois, les verbes gogo ne font pas bande à part. Alors maintenant, pour donner un ordre négatif à vosotros ou vosotras, là, on retrouve l'inversion des deux sons clés du présent. Et donc, on ajoute la terminaison eis, e, accent aigu, is, pour les verbes en ar, et ais, a, accent aigu, is, pour les verbes en er et ir. Alors, par exemple, ne m'attendez pas, vous dites ça à vosotros. No me esperéis. C'est bien ça, no me esperéis. On intervertit les sons clés a et e. Esperar est un verbe en ar. Et ça donne donc no me esperéis. Et comment direz-vous ne le mangez pas? No lo coméis. No lo comáis. Oui, no lo comáis. Là encore, on intervertit les sons clés du présent pour passer à l'impératif, donc pour donner un ordre. Alors que si vous dites no lo coméis, qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne le mangez pas. Tout à fait. Dans ce cas, ce n'est pas un ordre, c'est une affirmation. Vous ne le mangez pas, au présent. Pour que ça devienne un ordre, il faut intervertir les sons clés. No lo comáis, ne le mangez pas. C'est périmé, ça a un goût exécrable, etc. Et comment direz-vous à vosotros, n'écrivez rien? No escribáis nada. Vous pouvez le redire? No escribáis nada. D'accord, no escribáis nada. Dans les cas de verbe gogo, pour donner un ordre négatif à vosotros ou vosotras, eh bien, les verbes gogo reprennent leurs bonnes habitudes et deviennent gaga. Donc, ne sortez pas, ça sera no salgáis. Tout à fait, no salgáis. Notre verbe gogo devient gaga. Donc, maintenant, vous avez les formes de l'impératif au complet.